3 ans, la maquette présentée, le programmateur nous dit ouais, encore, mais c'est un, encore un petit peu trop scolaire, les gars. Ouais, mais F2R, c'est un univers riche en métaphores, balance des rimes, lance même si droit dans le système solaire. Moi, direct, à 9 ans, mes cousins m'ont mis le son innovant. Zap, Roger, Ice Cube et Mina et Star. Alors tu m'étonnes que je démarre la rime direct dès que j'ai entendu ce beat à la Gangstar. Toujours le même combat, la rage et le micro en guise de flamme. Je suis aussi dingue quand il s'agit de dégommer des faux dans des impros. Dès que j'ai entendu ce beat, c'est 1 pour 15, 2 pour 9, 3 pour le DJ. Dis, je viens le 4 pour B qui a le rôle de le produire. Et le mien, c'est de tout tuer quand il s'agit de m'introduire sans trop nuire au rythme et à la rime. Donc celui qui sent trop de vie. Dès que j'ai entendu ce beat, je me suis dit qu'il fallait mettre la touche pour que le coup soit remarqué. 1, 2, 3 tournées et qu'après en tête d'affiche on soit direct remarqué. Et qu'après en tête d'affiche on soit tous direct remarqué. Dès que j'ai entendu ce beat, ça me fait penser aux tournées, concerts, si j'ai dansé rappeur, bref, S de R, ouais, ouais. Dès que j'ai entendu ce beat, je me suis dit mon coup va percer. La rime marquante sera percée, tout le monde connaît, même ta mère, c'est. Dès que j'ai entendu ce beat, un sixième kick est prêt et sort le beat. Quelques bonnes phrases et musique épique. Dès que j'ai entendu ce beat, les imposteurs ont les nick salopes. Je règne prédateur, nick talope. Je suis fier de voir que mes petites sœurs trouvent que mon style est éponyme. Donc les autres chanteurs et moi, c'est un antonyme. En effet, je me nourris d'homonymes, car j'écris ce que personne n'a aidé, c'est ma personnalité. C'est clair qu'au début j'ai eu du mal à me trouver. Avec mon handicap, je voulais toujours des preuves à prouver. Que tout ce que je montais édifié soit approuvé. Et un jour le groupe est monté, j'avais plus que le nom à trouver. C'est S2R, l'équipe qui va percer sévère. Percer tabou, la glace, on perce les verres. Puisqu'on perce sévère, MC au lève gercé, on perce tes nerfs. On verse les versets vers toi, c'est pour ça qu'on perce ses nerfs. En danse, je suis une taine, je lâche jamais un défi. Je taffe avec mon DJ, je grave sur beat la vie que j'ai. J'ai l'esprit hip hop, depuis tout petit j'y suis baigné. Alors qui veut me défier, qui veut saigner? Dès que j'ai entendu ce beat, j'ai su normalement que mon style était le meilleur oralement pour être connu localement. Pendant que les autres rappeurs ne progressent plus vocalement, je profite de ma plume pour que le processus se fasse totalement. Dès que j'ai entendu ce beat, ça me fait penser aux tournées, concerts, si j'ai dansé rappeur, bref, S de R, ouais, ouais. Dès que j'ai entendu ce beat, je me suis dit mon trou va percer. La rime marquante sera percée, tout le monde connaît, même ta mère, c'est. Dès que j'ai entendu ce beat, un sixième kick est prêt et sort le beat. Quelques bonnes phrases et musique épique. Dès que j'ai entendu ce beat, les imposteurs ont les nick salopes. Je règne prédateur, nick talope. Allez, dès que j'ai entendu ce beat, ça m'a tapé dans le beat. J'ai pas capté tout de suite, mais j'ai bien fait le vide. Laisser rentrer la vibe, la sentir dans mes veines. Je suis so high quand j'entends brailler une sale graine. Scène, pas trop, adrénaline accro. Je fais un peu dans la frime, mais pour moi prime le taf de pro. Gros mauvais en freestyle et encore plus nul en impro. Je préfère taffer, taffer, taffer dans la cave pour un vrai show. T'as l'équipe est sauvage, à la charge, on stage et à la page. Big bass en camouflage, musical et le pillage. MPC et bon lyrique sont l'habillage. Donc si le trou est une bourse, achète-nous des IKV si je pars. C'est que mon esprit est si vaste que pour exploiter ce talent, il me faudrait donc 6 caves. Puisque j'écris grave vite, mon esprit grave vite depuis que j'ai entendu ce beat. Yeah! Dès que j'ai entendu ce beat, ça me fait penser aux tournées, concerts, si j'ai dansé rappeur, bref, S de R, ouais. Dès que j'ai entendu ce beat, je me suis dit mon trou va percer. La rime marquante sera percée, tout le monde connaît, même ta mère, c'est. Dès que j'ai entendu ce beat, un sixième kick est prêt et sort le beat. Enquête de bonnes phrases et musique épique. Dès que j'ai entendu ce beat, les imposteurs ont les nick salopes. Je règne prédateur, nick talope. J'ai entendu ce beat, ça me fait penser aux tournées, concerts, j'ai dansé rappeur, bref, S de R, ouais, ouais. Dès que j'ai entendu ce beat, je me suis dit mon trou va percer. La rime marquante sera percée, tout le monde connaît, même ta mère, c'est. Dès que j'ai entendu ce beat, un sixième kick est prêt et sort le beat. Enquête aux bonnes phrases et musique épique. Dès que j'ai entendu ce beat, les imposteurs ont les nick salopes. Je règne prédateur, nick talope.